Patrimoine en lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise, avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans Patrimoine en lumière, la chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise, votre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, eh bien, on met le cap sur un lieu aussi mystérieux que majestueux, à savoir Chanteloup. Alors si son château a disparu, son nom, lui, continue de résonner dans les mémoires. Et sa fameuse pagode, fièrement dressée dans le paysage tourangeau, attise encore curiosité et fascination. Avec notre invité Guillaume Métayer, responsable du patrimoine à la ville d'Amboise, nous allons remonter le fil de l'histoire de ce domaine singulier, de ses heures de gloire sous le duc de Choiseul, aux vestiges qu'on peut encore découvrir aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour Marlène. Alors pour commencer, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'était exactement le domaine de Chanteloup à son apogée ? Oui, alors Chanteloup à son apogée, c'est un domaine immense avec des jardins, un château bien sûr, et la forêt, qui est finalement le vestige le plus visible encore aujourd'hui. Ah oui. Parce qu'on imagine bien la taille du domaine quand on voit la taille de la forêt actuelle. Mmh. On parle souvent du duc de Choiseul quand on évoque Chanteloup, évidemment. Ça a été quoi son rôle dans le développement de ce lieu ? Alors Choiseul va essayer de moderniser un château qui était déjà un très gros château en fait. On associe souvent le château de Chanteloup avec le duc de Choiseul, mais ce n'est pas le duc de Choiseul qui a construit le château de Chanteloup, il existait déjà. C'est quoi son histoire d'ailleurs ça ? Alors c'est une histoire qui commence au Moyen-Âge en fait. On a très peu d'informations. On sait surtout que le lieu de Chanteloup existait au XIIIe siècle. Donc c'était une ferme ou une maison forestière qui dépendait de l'abbaye de Fontaine-les-Blanches, hein, qui est à Autrèche. Et puis on a peu de mentions dans les archives jusqu'au XVIIe siècle. Lorsque Chanteloup est érigé en seigneurie, il gagne un petit peu en prestige. Donc c'est là qu'on sait que devait y avoir un château. Une grosse maison, probablement avec des fortifications. Et donc cette érection en seigneurie, elle se fait au profit de François Lefranc, qui est intendant des Turcis de France. Mais donc la famille Lefranc, elle est propriétaire de Chanteloup depuis la fin du XVIe siècle, en fait. Elle va rester dans la famille jusqu'en 1695, où là, elle va changer de propriétaire. Et en fait, jusqu'au début du XVIIIe, Chanteloup, c'est un gros manoir au bord de la forêt d'Amboise. Donc c'est pour ça que c'est souvent lié avec des personnalités qui ont des liens avec les eaux et forêts en général. Donc c'est une administration qui gère généralement les levées de la Loire et les forêts domaniales, on va dire. Mais la vraie histoire de Chanteloup, telle qu'on le connaît, elle commence en 1708, lorsqu'il est acheté par Jean Boutroux d'Aubigny, qui est le secrétaire particulier de Marie-Anne de la Trémouille, princesse des Ursins, qui est diplomate à la cour d'Espagne, qui est quasiment première ministre à la cour d'Espagne. Et donc, c'est ce Jean Boutroux d'Aubigny, dont on connaît assez mal la vie par ailleurs, qui va lancer le chantier de reconstruction du manoir de Chanteloup à partir de 1711. Et c'est lui qui va vraiment faire de Chanteloup un petit Versailles. Donc on est quand même 50 ans avant le duc de Choiseul. Et donc c'est ce château reconstruit que le duc de Choiseul achète et va continuer d'améliorer lorsqu'il en sera propriétaire. Chanteloup, c'était souvent décrit comme un lieu de fête fastueuse. Ça ressemblait quoi, la vie au domaine à l'époque du duc ? Alors ça dépend, il y a plusieurs phases d'occupation par le duc, on va dire. Mm-hmm. Donc le duc de Choiseul, il en devient propriétaire en 1761. Il va y venir assez peu souvent. C'est surtout la duchesse de Choiseul qui va beaucoup apprécier d'aller à Chanteloup. Et puis, bah, à partir du 24 décembre 1770, lorsque le duc de Choiseul apprend qu'il doit quitter la cour se rendre dans sa demeure de Chanteloup, jusqu'en 1774, bah, là, évidemment, le duc de Choiseul va vivre 24 heures sur 24 à Chanteloup. Il va développer une cour parallèle à celle de Versailles avec ses fêtes et ses activités, parce que ouais, il faut bien s'occuper quand on est en exil, surtout lorsqu'on a eu une carrière comme celle du duc de Choiseul où on passe de tout à quasiment rien. Donc il va Il va y avoir beaucoup d'activités à Chanteloup, et puis ensuite, donc de 1775 jusqu'à sa mort en 1785, où là, de la même manière, ce n'est plus l'exil, mais Choiseul va passer beaucoup de temps à Chanteloup, surtout l'été, avec certes moins de moyens par rapport à ce qu'il a pu avoir, puisque il n'a plus aucun poste officiel. On sait évidemment sur ce domaine que le château a disparu, bien sûr. Comment ça s'est passé et pourquoi ? Alors il y a une suite d'événements. C'est vrai qu'on a souvent tendance à l'associer à la Révolution, mais c'est pas vraiment le cas, puisque finalement il y a d'abord la mort du duc en 1785. La duchesse de Choiseul va se ruiner pour rembourser les dettes de son mari. Elle va être obligée de vendre le domaine de Chanteloup au duc de Penthièvre, qui est le petit-fils de Louis XIV et Madame de Montespan. Le duc de Penthièvre, qui est déjà assez âgé à ce moment-là, qui meurt en 1793, donc pendant la Révolution. Et c'est après sa mort que le domaine va être saisi par la Convention nationale. Il va être racheté en 1798, et puis finalement en 1802, par Chaptal, qui avait été ministre de l'Intérieur de Napoléon, sous le Consulat, qui va y installer une sucrerie avec une culture de la betterave. Et finalement, c'est son fils qui va se ruiner au jeu. Et donc, pour rembourser les dettes de son fils, Chaptal va être obligé de vendre le domaine de Chanteloup. Et c'est à ce moment-là qu'il est acheté par ce qu'on appelle la bande noire. Donc, c'est des investisseurs qui achetaient les châteaux pour les revendre pierre à pierre. Et c'est comme ça qu'en quelques mois, le château de Chanteloup disparaît totalement. Donc finalement, il n'a pas été détruit, il a été déconstruit, ce château. C'est ça, parce que le but, c'était de récupérer les matériaux. Donc c'est exactement la même chose qui arrive au château de Richelieu. Ce qui est assez logique, c'est des châteaux qui étaient encore relativement récents. Bon, le château de Richelieu, plus vraiment, mais qui étaient construits avec des beaux matériaux qui pouvaient être réemployés plus facilement. Donc c'est un petit peu différent de certains châteaux médiévaux qui ont été détruits pour le symbole. Là, les matériaux étaient plus difficilement réemployables. Là, c'est vraiment, c'est purement financier. C'est vraiment pour récupérer tous les matériaux qui étaient de qualité, aussi bien les ardoises de la couverture que les pierres de taille. Alors, vous évoquiez la sucrerie qui était présente sur ce domaine. Je crois que lorsqu'on visite le musée d'art et d'histoire, on peut voir un pain de sucre. Voilà, on a un pain de sucre de la sucrerie de Chaptal à Chanteloup. Donc, c'est un des derniers vestiges de cette production, qui était vraiment très, très importante, très innovatrice pour l'époque. Donc c'était quelque chose d'assez fondateur dans l'industrie sucrière en France, en fait, cette sucrerie de Chanteloup. Très bien. Est-ce que Chanteloup restait un symbole fort du patrimoine amboisien? Malgré la disparition du château, il restait évidemment la fameuse pagode. Qu'est-ce qui a été conservé ou reconstruit par la suite, Guillaume? Alors, reconstruit rien pour le moment. Conservé, bah, évidemment, il y a la pagode dans un premier temps, mais il y a également les deux pavillons de la grille dorée, donc qui était l'entrée monumentale de Chanteloup qui donnait sur la Loire en face de la rue de Choiseul, donc qui reste mais un petit peu transformé. Donc il y en a un des deux appartient à la ville. Et puis on a les douves encore de chaque côté, aussi à l'intérieur du domaine, une partie des douves qui délimitaient des terrasses par rapport au jardin. Le bassin de la pagode, le tracé des allées dans la forêt. Il y a également un petit pavillon à côté de la pagode qui reste, donc qui était sur une entrée latérale par rapport à cette entrée principale. Donc voilà, c'est quelques éléments qui subsistent et qui montrent l'ampleur du domaine, puisque entre les pavillons de la grille dorée et la pagode, il y a pas mal de place. Et là, est-ce qu'il y a des projets de mise en valeur ou de médiation autour de ce site historique? Alors, il y a la pagode d'une part, donc, qui est un monument privé, qui appartient depuis le début du XXe siècle à la famille André, qui l'entretient, qui l'ouvre au public, et qui prochainement essaiera de la faire restaurer. Et puis, du côté de la ville, il y a cette évocation de Chanteloup au musée d'art et d'histoire d'Amboise. Donc, c'est une salle qui est toujours en train d'évoluer. On attend pour dans quelques semaines une vidéo de reconstitution 3D du château de Chanteloup tel qu'il était à l'époque du duc de Choiseul, une vidéo qui montrera les différentes évolutions de la construction du château puis de sa destruction. Et qui sera donc visible lors des visites tout simplement du musée. Voilà, qui sera dans le musée. Donc c'est la société Aristeas qui avait travaillé en 2007 déjà sur la vidéo de reconstitution 3D de Chanteloup pour la grosse exposition qui avait eu lieu au Musée des Beaux-Arts de Tours. Et donc là, ils sont en train de moderniser la vidéo pour la remettre au goût du jour et qu'elle soit un petit peu plus courte et qu'elle montre vraiment l'évolution du château. On a aussi des œuvres d'art qui viennent de Chanteloup. Depuis l'année dernière, on a le bureau du duc de Choiseul, qui était au château de Chanteloup, qui appartient au Mobilier National. Le musée des Beaux-Arts de Tours nous a déposé un tableau qui représente le château de Chanteloup, à l'époque du duc de Choiseul. Prochainement, devrions en obtenir d'autres. Donc c'est un beau partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Tours. Et puis, parallèlement à cela, la ville était aussi propriétaire de deux vases qui décoraient le château de Chanteloup, qui était au sommet de la colonnade, et qui sont en cours de restauration. Donc, l'année dernière, la ville d'Amboise avait remporté le prix de la Fondation de la sauvegarde de l'art français, Oui, on s'en souvient, oui, tout parce à que fait. les Amboisiens avaient voté en nombre pour les vases de Chanteloup. Et donc là, ils passent quelques temps dans des bains de dessalement, puisqu'ils étaient assez abîmés. Bon, il faut prendre un petit peu de soin d'eux maintenant. Et à terme, ils pourront être installés dans un jardin qui va être aménagé autour du pavillon de la Grille Dorée qui appartient à la ville, justement. Il y aura un petit jardin qui permettra de parler de Chanteloup et également de Jeanne d'Orliac, qui est une autre personnalité liée à Chanteloup, qui était une écrivaine, historienne, poétesse, qui a possédé ce pavillon de la Grille Dorée et qui a beaucoup travaillé sur l'histoire et la mise en valeur de Chanteloup dans le courant du XXe siècle. Donc un nouvel espace, petit parc public à Amboise. Voilà, un petit jardin. D'accord. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été menées, ces dernières années sur Non, le en site? fait, la difficulté, c'est que la plupart des parcelles sont privées. Donc, il faudrait un projet d'aménagement pour que cela suppose des fouilles archéologiques. En même temps, la plupart des parcelles sont aussi classées, donc ça va être compliqué de construire à l'emplacement du château de Chanteloup. Donc, non, pour le moment, il faudrait un gros projet de recherche qui suppose des fouilles, mais en même temps, on sait assez précisément où était le château, à quoi il ressemblait, et donc peut-être que l'intérêt de fouilles archéologiques serait limité, puisqu'on n'a rien besoin de confirmer. On sait où était le château. Alors sinon, ça voudrait dire peut-être un projet de valorisation des fouilles pour montrer plus précisément l'emplacement du château, etc. Mais encore une fois, ce sont des parcelles privées, donc c'est compliqué. À l'époque du duc de Choiseul, on imagine les grands jardins qui entouraient les édifices construits. À quoi ça ressemblait? Alors effectivement, il y avait des très beaux et de très grands jardins tout autour du château. Choiseul va d'une certaine manière hériter des jardins qui avaient été aménagés par Jean Boutroux d'Aubigny, donc des beaux jardins à la française, comme on en trouve à Versailles en fait, hein, qui étaient sur les côtés du château, et puis il y avait une allée qui descendait. Alors en fait, à l'époque de Jean Boutroux d'Aubigny, l'entrée se faisait par l'emplacement de la pagode en fait. On arrivait par la forêt, et puis à la place de la pagode, il y avait l'entrée, et donc là on descendait en ligne droite sur le château qui était en contrebas. Et qui ensuite avait une terrasse qui donnait sur la Loire, qui était dans la descente ensuite. Et Choiseul va inverser l'entrée monumentale de Chanteloup pour la lier davantage avec la Loire et avec la ville, en fait, hein, puisque la difficulté de l'emplacement du domaine, c'était qu'on n'avait pas justement une grande entrée monumentale comme à Versailles, un lien direct avec la ville. C'était un petit peu compliqué d'arriver à Chanteloup. Donc Choiseul va vouloir une grande entrée pour son château, et donc il va inverser l'angle, et c'est là qu'il va créer la grille dorée, avec ses deux gros pavillons et cette grille qui était, comme son nom l'indique, dorée. Et donc on va de la grille dorée. Bon, en fait, ça va être une succession de points de vue d'une certaine manière, puisque l'entrée logique, c'est d'arriver de la ville d'Amboise. On va avoir une très grande allée plantée d'arbres, donc qui est la rue Choiseul actuellement. En ligne droite, donc après une patte d'oie au niveau du Netto en gros, la grille dorée, une succession de jardins, de terrasses, on arrive au château, et derrière le château, une grande cascade qui descend du bassin en demi-lune de la pagode. Et donc on est dans les années 1760, la pagode n'est pas encore construite, elle arrive dans un second temps. Mmh. Donc on a ce bassin qui est creusé pour permettre d'avoir justement une réserve d'eau qui alimente les fontaines et les cascades. En contrebas de ce bassin en demi-ligne, une suite de cascades qui descend jusqu'au château. Et puis des jardins des deux côtés. Le problème, c'est que cette cascade, elle nécessitait beaucoup d'eau. Mmh. On imagine, oui. Donc on va avoir une transformation de cet aménagement. Cette grande cascade va être supprimée, remplacée par un boulingrin, donc une grande esplanade verte qui descend du bassin jusqu'au château. Sur le côté, on va aménager un jardin anglo-chinois avec une rivière qui serpente au milieu des arbres et qui atterrit en bas par une petite fontaine, enfin une grosse fontaine en fait. Donc la rivière du jardin anglo-chinois consommait moins d'eau que la cascade, donc c'était plus simple à gérer. Donc c'est vraiment des jardins qui évoluent en fait. Ouais. Même du temps du duc de Choiseul, les jardins ne sont pas identiques entre le moment où il l'achète, le moment où il y habite et finalement le moment de sa mort. Donc ce jardin anglo-chinois, il préfigure un petit peu la pagode. Et on voit bien qu'on est dans le goût de l'époque pour ce qu'on appelle les chinoiseries. Donc c'est un Orient un petit peu fantasmé parce qu'évidemment le duc de Choiseul, même s'il a beaucoup voyagé, il n'est pas allé jusqu'en Chine. Hein. Mmh. Donc on a surtout des gravures de pagodes et de jardins chinois qui servent d'inspiration pour l'aménagement des jardins à Chanteloup et ailleurs. Et au jour d'aujourd'hui, il y a toujours ce petit jardin chinois au domaine de Chanteloup? Non, parce que le jardin, il est sur encore une fois, une autre parcelle qui n'appartient pas à la pagode. Mais il y a une évocation de jardin chinois. Une évocation de à l'entrée, oui. Ouais. Un endroit très agréable à visiter d'ailleurs, un joli petit endroit qu'on recommande à nos auditeurs d'aller visiter s'ils ne connaissent pas. Et du coup, il y avait beaucoup de fontaines à Chanteloup ? Oui, ça supposait de nombreux aménagements. On est en train de travailler sur un projet autour des eaux à Chanteloup justement avec Monsieur Gérard Delagrange, donc qui est un ancien ingénieur qui est passionné par l'histoire de Chanteloup et qui a fait un très beau travail justement autour des eaux à Chanteloup qu'on devrait présenter peut-être cet été au musée d'art et d'histoire d'Amboise. Donc il a pu calculer le nombre de mètres cubes d'eau des fontaines, combien d'heures par jour les fontaines pouvaient être allumées, alimentées. Et donc ça ouvre de nouvelles perspectives justement sur la succession de ces aménagements de bassins et de fontaines à Chanteloup. Ça reprécise vraiment la chronologie. Ça permet d'expliquer justement pourquoi on a ces bassins, quel moment ils sont remplacés par autre chose. Et donc il y avait un aqueduc qui traversait la forêt d'Amboise et depuis les étangs de Jumeaux, donc qui sont à une dizaine de kilomètres de Chanteloup. Oui, oui. Et donc une pente vraiment très douce qui descendait jusqu'à Chanteloup, puisque Chanteloup est déjà en hauteur, donc c'est compliqué de faire venir de l'eau sur un point qui est déjà un point haut. Ça. Donc c'est un sujet très intéressant qui a été très peu étudié pour le moment. Donc il y a toujours de nouvelles choses à découvrir sur Chanteloup, c'est assez intéressant. Et quand on parlait tout à l'heure de la reconstitution 3D qui sera bientôt visible au musée d'art et d'histoire, on parle uniquement du bâti ou est-ce qu'on va avoir un regard un petit peu justement sur l'étendue du domaine, ses accès, etc., la vue sur la forêt dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, l'objectif, ça va être vraiment de recontextualiser le château avec ses abords. Donc, oui. Ce ne sera pas uniquement centré sur le château, on verra aussi ce qui se passe un petit peu autour. Mmh. Parce que c'est vrai que même les Amboisiens ont beaucoup de mal à resituer précisément clairement où était le château. Parce que on sait que la pagode est là, mais alors le château, il était devant, derrière, sur le côté. Ouais. Et puis l'étendue. Enfin, tout à l'heure, on parlait de l'actuel Netto. D'un autre côté, on est rendu à l'étendue Jumeaux. Enfin, c'est une étendue colossale. Ah oui, c'est pour ça, c'était vraiment énorme. C'était un petit Versailles. Mm. Et c'est comme ça que les gens de l'époque le considéraient Chanteloup, d'ailleurs. Donc c'est pas, on n'exagère pas quand on parle de Chanteloup comme un petit Versailles. Alors là, je pense que Guillaume, du coup, vous déconstruisez une idée que beaucoup d'Amboisiens ont, à savoir que le duc de Choiseul aurait été à l'origine du domaine de Chanteloup, alors que non. Oui, c'est vrai, on considère souvent Chanteloup comme un tout, comme si ça avait été fait en une seule fois, le château, la pagode, etc. Alors que non, déjà, rien qu'au temps du duc de Choiseul, on a beaucoup d'évolutions. La pagode arrive vraiment à la fin. Et Choiseul achète un château qui existe déjà, qu'il va transformer et agrandir. Mais le château de Jean Boutroux d'Aubigny était déjà, d'une certaine manière, un petit Versailles, avec des grands salons, avec des plafonds peints qui ont malheureusement tous disparu avec la destruction du château. Mais ces décors sont conservés par le duc de Choiseul lorsqu'il réaménage et qu'il modernise le château. On a quelques exemples de ces décors peints grâce à des modèles du peintre donc, qui s'appelle Henri de Favanne. On a au Musée des Beaux-Arts de Tours. On a un autre modélo au Palais des Beaux-Arts de Lille que j'ai découvert la semaine dernière. Et justement, le Musée des Beaux-Arts de Tours devrait nous déposer un de ces modélis d'un plafond du château de Chanteloup. Donc ça permettra d'avoir une idée des grands décors qu'il y avait à l'époque de Jean Boutroux d'Aubigny. Donc ce Jean Boutroux d'Aubigny, il fait un château monumental qui a posé beaucoup de questions par rapport à sa position de secrétaire particulier. Et on a pu supposer que le château, il l'avait construit non pas pour lui, mais pour la princesse des Ursins. Il y a toujours une femme derrière beaucoup d'édifices quand même, hein. J'ai l'impression. Oui, mais finalement, en fait, on n'a aucun lien entre la princesse des Ursins et Chanteloup. Même après l'exil de la princesse des Ursins, bon, ça, les personnages importants de l'État, il y a toujours un moment où ils sont exilés finalement. Et ben, après son exil, elle ne vient pas à Chanteloup et c'est Jean Boutroux d'Aubigny qui en profite tout seul. Désormais, on a plutôt tendance à penser que Jean Boutroux d'Aubigny avait juste beaucoup d'ambition et que le château de Chanteloup, tel qu'il le reconstruit, témoigne de ses ambitions. Et voilà, il voulait avoir un petit Versailles et il y a mis les moyens. Alors peut-être qu'il a détourné un petit peu d'argent de la princesse des Ursins pour ça, mais non, il ne l'a pas construit pour la princesse des Ursins. Donc Choiseul, lorsqu'il cherche à acheter un domaine, évidemment, il va pas acheter un domaine en ruine. Donc un château tel que celui que Jean Boutroux d'Aubigny avait fait construire à Chanteloup correspondait tout à fait à ses attentes, même si, comme j'ai dit, il y avait quelques petits problèmes à régler, notamment sur les accès, qui n'étaient pas évidents et qui n'étaient pas assez monumentaux pour le duc de Choiseul. Puis ensuite, donc, il va vraiment monumentaliser les accès, les jardins, le château avec l'ajout des colonnades, d'un pavillon des bains. Il va projeter de construire un opéra, mais ça n'aboutira pas. Donc oui, on a une suite de Jean Boutroux d'Aubigny jusqu'au duc de Choiseul. On a deux personnages très ambitieux qui voient les choses en grand. Alors, une question que je me pose. Pourquoi la pagode, elle, n'a pas été détruite, elle ? Alors ça, c'est vraiment les hasards de l'histoire et des limites de propriété, d'une certaine manière, puisque la pagode était en fait sur une autre parcelle. En fait, Chaptal, en 1823, lorsqu'il est ruiné par son fils, il va d'abord tenter de vendre le domaine à Louis-Philippe d'Orléans, donc qui est le futur roi des Français, Louis-Philippe, et qui est propriétaire du château d'Amboise. Mmh. Et en fait, Louis-Philippe, il va seulement acheter la pagode, parce que la pagode, elle va avec la forêt, donc c'est un belvédère, et c'est un monument intéressant qui pourrait avoir une utilité, notamment dans le cadre des chasses, ce qui était un petit peu le cas à l'époque de Choiseul, en plus de la symbolique autour des amis qui lui sont restés fidèles durant son exil, ce qui est la symbolique autour de la construction de la pagode. Pour Louis-Philippe, c'est là, et ça peut toujours servir, mais il a fallu que Chaptal négocie un petit peu pour lui vendre la pagode. Et donc c'est pour ça qu'en 1823, le château est détruit, mais pas la pagode. Mais le destin de la pagode a vraiment tenu à très peu de choses, puisque c'est un monument fragile qui, justement, a une utilité limitée. Donc généralement, ce genre de monument, il y a un moment où ça s'écroule et on ne le reconstruit pas parce que ça coûte trop cher. Bah, c'est-à-dire que ça faisait un beau mirador. C'est ça. Donc la pagode, elle va changer plusieurs fois de main. Et elle va être parfois liée au château d'Amboise et parfois pas. Donc en 1850, quand Louis-Philippe meurt en exil lui aussi, il lègue la pagode à sa fille Clémentine d'Orléans et le château d'Amboise à son petit-fils Philippe, qui était le prétendant au trône de France. Donc déjà, on a deux... le destin de la pagode et du château se sépare. À la fin du XIXe siècle, Clémentine d'Orléans va engager des travaux de sauvetage de la pagode, mais elle ne les conduit pas jusqu'à leur terme. Et ce sont ses deux enfants qui en héritent à sa mort en 1907. Et finalement, en 1909, elle est achetée par le peintre Gaston de Lauvergeat, qui lui va vraiment engager d'importants travaux de sauvetage de la pagode. On est un peu plus que sur de la restauration. Et ces travaux, ils sont confiés à René-Édouard André, qui est paysagiste et ingénieur des arts et manufactures. Bien connu localement, Édouard André. C'est ça. Il y a son parc aujourd'hui à la Croix-Antoine. Qui avait sa maison, d'ailleurs. Édouard André. Oui, d'accord, le père. C'est ça, mais c'était une dynastie de grands paysagistes. Et donc René Édouard André restaure la pagode, et donc le propriétaire Gaston de Lauvergeat décède en 1913, sans enfant, et donc il lègue la pagode à René Édouard André. Et c'est comme ça que la pagode devient la propriété de la famille André. Ah ouais. Qu'elle l'est toujours aujourd'hui. Donc c'est vraiment beaucoup de hasard finalement. Eh bien, Chanteloup, on l'aura compris, c'est l'histoire d'un lieu qui a presque disparu, mais pas tout à fait. Grâce à sa pagode iconique et aussi aux recherches historiques, à la médiation culturelle, à tout le travail que vous faites également pour valoriser ce lieu au travers du musée d'art et d'histoire d'Amboise, c'est un site qui continue de faire rêver et puis de poser plein de questions. Donc merci beaucoup à vous, Guillaume Métayer. Avec plaisir. On a donc fait une balade passionnante à travers les allées réelles ou bien disparues de ce domaine qui a marqué l'histoire d'Amboise. Donc voilà, si vous ne l'avez jamais fait, allez voir la pagode de Chanteloup, ça vaut le détour, surtout avec un regard qui est désormais éclairé par cette belle chronique que Guillaume nous a proposée aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau chapitre de Patrimoine en lumière. Merci encore Guillaume et à très vite. À très vite.